Hello. Salut. Bonsoir à tous. Ah, quelle voix, je craque. Je comprends, oui. C'est pas le seul. Et c'est reparti pour une nouvelle émission de Radio Gaga sur Radio Duo 89.5 avec Cécile, Harry, Pat. Et aujourd'hui, nous accueillons les Olébrius. Bonsoir. Salut. Alors, qui est là? Il n'y a pas tout le groupe, hein? Non, non, on est venus tous les deux, ils ne pouvaient pas les autres. Une drôle de voix, le chanteur. Il avait piscine. Ouais. Alors, on n'aura pas de live aujourd'hui. J'espère que les auditeurs ne seront pas déçus, mais... Notre ami chanteur a des petits problèmes de voix, ils ont des concerts qui sont prévus. Et oui, donc il conserve la voix. C'est mais on va découvrir c'est tout ça grave. Tout à l'heure. Ça changera un peu l'émission. Alors qui êtes-vous, messieurs? Alors tu t'introduis le groupe. Bah déjà, qui est là? Bien sûr. Est-ce qu'on a le chanteur, donc Pete? C'est ça. Et voilà. David à la batterie. Voilà. Et il nous manque qui donc? Il manque Greg, le deuxième guitariste. Ben, le percussionniste. Et Romain, le bassiste. Et nos deux techniciens, bien sûr. Antoine et Mick. Bon, eh ben on leur fait un petit coucou alors. Donc aujourd'hui, on propose de découvrir les Olébrius avec leurs influences, leurs coups de cœur, l'actualité. En parlant d'actualité d'ailleurs, je crois que tu as des choses à nous dire. Bah oui, puisqu'on a. Comme on va aller voir tous les deux demain, les taux d'Elevated Moment. Au triple, je me suis permis de contacter le groupe. Ouais. Moi, je me suis permis un mauvais jeu de mots, t'as vu. On va au triple, mais on sera en double. Voilà, mais ça... Je t'en laisse la responsabilité. La responsabilité. J'assume totalement. Les blagues de merde, c'est pas moi qui les fais. Ouais. Les poupouris, c'est quand Attends, j'ai pas eu le temps de faire le bip quand t'as parlé. Donc, les taux d'Elevating Moment seront au triple demain. Donc, et ils nous font un petit cadeau. À 21h, je vous invite donc tous à y aller. Ils nous font un cadeau. Alors, j'y suis allé un petit peu à la... j'aurais demandé s'ils pouvaient pas. Je savais qu'ils avaient enregistré un album. Bien sûr, on l'attend avec impatience et on les recevra en 2020. Alors, il y aura un album, il y aura un vinyle, il y aura un CD. Ils espéraient l'avoir pour demain, mais ça va être a priori ça va être compliqué. Chaud. Bon, je dois bien aimer ce groupe parce que j'en ai acheté 10 moi du précédent. Et c'est tous les mêmes. Tellement tu les uses. J'ai offert à des membres de la famille. Ouais. En général, j'en achète 10 et puis. Ça fait les cadeaux de Noël. Et puis je distribue, voilà. Parce que j'essaie de soutenir la musique, elle en a bien besoin. Et donc on a un nouveau titre. Et oui, que tu as ramené dans ta musette, Exposed. Nous envoyer, qui s'appelle Exposed et qui est très bon qui titre. Qui est super bon. Et ben c'est parti. We'll be right back. superbe morceau. Vraiment, vraiment bien. Ouais. Très bonne surprise. J'adore les envolées lyriques de Joe sur le refrain. Donc, y a, pour moi, c'est une validation sans réserve. De toute façon, l'album, c'est sûr, je l'achèterai. Et je vous invite à faire de même. Mais bon, quand on est fan, on ne compte pas. Mais on va quand même passer à nos invités, puisqu'on n'est pas là pour parler de tous des Elevating Moments uniquement. Alors, Olybrius, c'est pour moi, les Olybrius, c'était un peu des petits bonhommes un peu bizarroïdes. Pourquoi ce nom ? Comment vous avez trouvé ça ? Ça fait combien de temps que vous existez ? Ça date de très vieux, le nom est même plus vieux que nous, presque. C'était au début, on ne savait pas quoi prendre comme nom de groupe, du coup, on a fait le truc d'ouvrir un dictionnaire. Prendre au pif et on est tombé sur Olybrius. Ah, c'est bon, ça. Et alors on savait pas ce que ça voulait dire et la définition elle a collé direct quoi. D'accord, et voilà. Ça vous correspond? Parce que vous avez l'air d'être de drôle de zig. Ça peut correspondre à plein de gens en fait. Pas mal. C'est des personnes qui se font remarquer par leur comportement ou leurs propos étranges. Voilà. Et vous êtes étrange ou... Est-ce que c'est, ouais, est-ce que c'est le cas? C'est pas nous de le définir, mais ça dépend des circonstances et ça dépend pour qui. C'est bien dit. Voilà. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait une dizaine d'années. 10 ans, avec ouais, David et Ben, ouais. Et la formation actuelle, elle a 3 ans. Là, avec Greg à la guitare et Romain à la basse. Voilà, ça fait 3-4 ans. 3 albums donc, hein. Ouais, 3 EP. Ouais, oui, d'accord. C'est pas pareil, c'est pas non, pareil. On en parlait on tout y tient, à l'heure. On en parlait ça coûte pas le même prix quand même. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on en. Je trouve que finalement le format EP se prête bien à des groupes entre guillemets émergents. Hein. C'est pas oui, mal sortir ça. Et puis la période surtout, parce que maintenant les gens écoutent des titres. Alors plus ou moins, parce qu'on voit que c'est la mode des doubles albums. Là. Jean-Louis Aubert qui sort un double. Mais Jean-Louis Aubert, il a des pensions alimentaires à payer peut-être. Ouais, mais moi j'ai jamais été un fan des doubles albums, à part Physical Graffiti de Led Zeppelin peut-être. Je trouve que les. Il faut la matière aussi. Les quoi. Foo Fighters ont sorti un double. Je trouve que c'est un peu. Il y a toujours du remplissage. Mais bon. Bah, Pink Floyd avait sorti un double album aussi. C'était ouais. Pas mal quand ouais, même. Ouais, ouais, ouais. Mais là, on touche au. Après, nous, on n'en est pas là parce que déjà, ça, oui, on n'a pas les moyens de se faire. Déjà, si on se fait un album 10 ouais. Titres, on sera déjà comme des. C'est on plus sera de heureux, studio, hein. Etc. Ouais. Voilà, c'est, ouais, c'est plus de sous de studio, tout ça. Et puis. Puis voilà, on se laisse le temps aussi. Travailler les morceaux. Alors, est-ce que Pat est prêt ou est-ce que... Oh ben moi, je suis prêt quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Une voix de téléphone rose, toi, c'est je suis un peu enrhumé. Et Cécile, tu m'entends bien? Tout va bien? Tout à fait. Tu t'entends bien aussi? Je m'entends bien. Ah, comment bon. Vous définiriez votre style? J'essaie d'être sérieux parce que les deux collègues là sont pas dans le truc, mais moi je suis très très pro. Donc bah, c'est des Olybrius pour le coup. Non, ça mais le style de rock. Rock français. Rock français. Passé un temps, on a mis alternatif aussi. Parce qu'on avait des plans un peu. Vu qu'on a un percussionniste dans le groupe, et ben avec les percus, ça donne un côté un petit peu différent du rock basique aussi. Et souvent, quand on dit percussionniste, on s'attend à un côté tout de suite festif et latino. Ou par exemple Mano Negra, choses comme ça. Et en fait, nous, c'est pas du tout de ce côté-là qu'on allait creuser. C'est plus côté tribal, noirdez, rage again, des choses comme ça. Et par exemple, il y a un morceau, je sais pas si on aura le temps de le passer, mais un Say Priscille avec Tom Morello. Le guitariste de Rage qui est vachement sympa et avec le percussionniste, je sais qu'on s'inspire beaucoup de ça parce qu'il y a Congas batterie sur du gros rock qui tâche. Eh bien, vos désirs sont des ordres, on passera Cypress Hill avec Tom Morello, mais en attendant, on va écouter directement les Olybrius avec Introspection ou Introspection en français. Oui, parce que il faut le préciser, c'est pour ça que je me permettais. Et oui, donc, Olybrius, les Olybrius. Évacuer d'une vie sans rêve, d'une vie sans sens, de cette absurde vérité conjuguée à mon existence. J'aspirais une vie paisible si possible, car passible de la peine de mort, cette mort invisible, invincible, qui sépare le fantôme de mon corps, le temps qui passe, le temps fugace, le temps perdu, mon corps déchu, descendre le temps d'apprendre à construire sa place dans ce chahut. J'ai plus d'argent et je dois me rendre à l'évidence, faut se détendre, mon pote, lèche-pote, t'inquiète, c'est nos enfants qui paieront la note. La vérité, c'est qu'on sait bien, mais comme la conscience nous fait peur, pour se rassurer, on aime bien dire, le confort suffit à mon bonheur, si bien que la science, stupide, si la branche à laquelle elle est assise, et qu'il l'humain pauvre pantin, dans un trou noir sans matière grise, au nom du progrès contre nature, ou pour soulager nos femmes, pourquoi pas dans le futur, se faire sucer par des hologrammes, qui sait ce qui nous attend, et jusqu'où pourrons-nous aller? Avant que tout nous pète à la gueule, qu'il n'y ait plus de vaches dans les prés, ouvre les yeux. Garde espoir. Cette chanson n'existe pas, non. Tous vos camps est illusoire. Ouvre les yeux. Même dans le noir, le silence n'existe pas. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission Radio Giga avec les Olébrius. Je ne sais plus, Harry, si tu avais prévu une rubrique nécrologique. tu voulais faire la mort du chanteur des Compagnons de la Chanson, c'est ça? Donc je non, t'avais préparé quelque chose. Il y a Gaston Poulenard qui est décédé à 96 ans. C'était ça, les Compagnons de la Chanson? Ah, tu connais pas, hein? Ça pas mal, ça commence bien. Ah, ouais, ça commence bien, hein? C'était le groupe Camera Silence. Le chanteur est mort. Donc voilà, pour ta rubrique nécro. Il n'y passe pas là. Si. Bah non. Je fais juste un petit hommage, un petit extrait. Tu peux pas quand même connaître tous les morts de la planète? Non. Mais je voulais éviter les Compagnons de la Chanson. T'aurais pu, ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Dans un style, pourquoi pas. Je te rappelle que ma femme est allée voir à l'âge de 9 ans. C'est vrai? Oui, à Rive-de-Gier. Avec les petits chanteurs La Croix de Bois. Ça, bon. Allez, revenons à nos moutons et surtout avec nos Olébrius. Alors, leurs influences peut-être? Non. Bon. C'est ça qui est bien, c'est quand on est aux manettes, on fait ce qu'on veut. Il peut nous couper les micros. Ouais. Ça, c'était bon. Je peux parler tout seul et tout. Mais non. On vous écoute. Les influences, alors il y en a beaucoup parce que du coup, ils sont venus avec une pile de disques énorme, une véritable discothèque ambulante. Ça va dans tous les sens. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on parlait avant l'émission. On est très, très variés chacun. On se rejoint sur le rock et sur. On se rejoint sur Mohan, sur Noirdaise, Rage Again, Nirvana, Jimi Hendrix, des choses comme ça. Et après, on a tous nos univers différents. On écoute. Le percussionniste écoute pas mal de musique world, latine. Moi, j'écoute pas mal de rap. Enfin, chacun écoute plein de trucs de son côté, on est très très, très éclectique. Un batteur qui écoute du rap, mais ils ont pas de batterie, le rap, c'est des machines en général. Ah, ouais, la machine, ça... Bah, maintenant, moi je sais que dans le rap, j'aime bien quand ça mélange pas mal d'instruments aussi. Et, je suis allé voir Kerry James cette année, et il joue avec l'ancien batteur de Lofofora, Pierre Belleville. Et en live, c'est juste une tuerie, quoi. C'est voilà, le batteur full de Lofofora avec de la double sur du rap et tout, c'est génial. Bon, c'est bien. Ok. Il a l'air vachement convaincu. Mais si. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant quand on invite des groupes, c'est qu'on apprend toujours des choses. Et des groupes locaux. Et d'ailleurs, Cécile a voulu faire une rubrique spécifique. On n'est quand même pas tout à fait prêt à recevoir Red Hot Chili Peppers, quand même, Radio Gaga. Mais on vous m'appelez. Bah, disons qu'on n'a plus de place pour eux, quoi. C'est surtout ça le problème. C'est vrai, on est complet jusqu'en 2020. Donc, je disais que Cécile voulait faire une rubrique Les petits groupes stéphanois. Ah, oh, c'est quoi ça? On va bientôt mettre une caméra dans l'émission parce qu'il y a des gestes, c'est interdit ça, c'est carton jaune. Attends. T'as quand même pas fait un doigt. Non, deux. Donc Cécile voulait nous parler d'un groupe. Petit, c'est pas affectif, vous. Je vous l'ai dit. Ouais, c'est affectif. Petit groupe, stéphanois punk des années fin 90, qui s'appelle Spit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Spit, pas du tout. Non. Spiderman, les... Ouais. Ou les Spit qu'on enfonce dans le bâtiment, là, les chevilles. Là, non. Il faudra leur demander, mais comme le groupe n'existe plus, mais les mecs sont toujours vivants. Cécile, hein, elle est, c'est la spécialiste des groupes qui ont existé, mais qui n'existent plus. Voilà. Moi, mais c'est la nécrologie, mais elle, c'est la nécrologie au niveau des groupes. Attends, quoi, parce que moi, les petits groupes, ils ont existé, ils ont marqué l'histoire de Saint-Étienne. C'est la vérité. Non, mais ce qui est intéressant sur la planète stéphanoise, c'est qu'il y a énormément de groupes. Il y en a eu, et c'est pour ça qu'on a fait l'émission, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il faut pouvoir les faire s'exprimer, et les écouter, les découvrir. Et... Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Spit. Parmi ces groupes-là, il y avait White Card qu'on a écouté la semaine dernière, ouais, et Protex Blue qu'on avait écouté aussi il y a quelques temps. Ça, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions pour dire « Ah, merci d'avoir passé tel groupe, il y avait longtemps. » Donc les petits groupes, je vais les chercher. Voilà. Et les trouve. C'est vrai. Voilà. Donc avis aux amateurs, aux petits groupes, si vous avez des CD, vous les envoyez à la radio. Et... Voilà. Mais la condition, il ne faut plus exister, quoi. Non, parce qu'il y en a qui existent encore. Ah oui, mais ceux-là, on les invite. Ouais. Eh ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que Cécile, elle va au concert, elle va au petit... Elle va pas au truc. Elle va au petit troquet du coin. Non, mais c'est bien. Et elle va... Quand c'est connu, c'était un peu la discussion qu'on avait eue. On fait une belle équipe. Ouais. Moi, je vais voir les Stones, elle va voir les petits groupes. Ouais. Bah, moi, j'aime bien voir les petits groupes. Je te laisse les Stones, s'il n'y a pas de problème. Non, les Stones, c'est... Ah, tu vois ? J'irai pas. J'en profite pour faire une petite bise à Nabil, qui est le batteur de ce groupe et qui est maintenant le batteur de Zéro Gain. C'est un groupe de Stéphano aussi. Il tourne pas mal. Enfin, qui tourne pas mal. Qui est connu, en tout cas. Voilà, et donc j'ai choisi un titre. C'est bon, tu l'as calé ? Ah, mais c'est quand tu veux. Attends. Qui s'appelle Bottle. C'est parti ? Ouais. Et voilà, petit passage d'un ancien groupe stéphanois. Merci Cécile. Alors, ils sont bons ou ils sont pas bons? Ah, ils sont bons. Ah, tu vois. Bon, il faut. J'aime bien. Oh. Ah, c'était sympa. Et ben voilà. Merci. Merci pour eux. Et nous revenons à nos invités, les Olébrius. Alors, c'est pas toujours que les groupes choisissent de chanter en français. Expliquez-nous pourquoi. Parce que je sais pas parler anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, ouais, voilà, c'est tout. C'est, moi, j'étais bercé, ce que je disais avant, c'est par Noir Désir, et voilà, du Brassens, les textes du Aznavour, tout ça. On a une belle langue, on a des beaux auteurs. Donc, c'était une évidence, quoi, le français. Voilà. Et puis aussi pour faire passer des messages. Bah oui, du coup, oui, c'est plus facile de se faire comprendre, donc forcément, les messages... Après, faire passer le message, c'est jamais vraiment le but. Enfin, ça... quand le morceau il arrive, on ne sait jamais trop où ça va. Quoi. C'est plus on donne quelque chose, il y a quelque chose qui sort, qui arrive, bah on le transforme avec les copains, on fait de la zik et voilà. Quoi. Alors, c'est une question que je pose souvent. C'est vous faites d'abord la musique, ensuite les paroles ou c'est l'inverse? Ou c'est en même temps? Ça dépend. Ça dépend. C'est variable. Des fois, c'est la musique qui inspire des textes et des fois, c'est les textes où on visualise la musique derrière. Et qui écrit, qui compose, qui c'est un peu tout le monde où y a... Bah, j'écris les textes principalement, sauf les textes voilà, qu'on a repris à Victor Hugo ou Camus. Là. Et puis bah, après la musique, j'apporte souvent une base et ensuite c'est les gars, on continue ensemble, on répète à porter. Des fois c'est plus... c'est vraiment ça dépend quoi. On brode autour d'une base en fait. On essaye de construire autour d'une base, soit de musique qu'il a ou de chant, et on voit où ça nous mène. Et en principe, on arrive à se comprendre. Donc c'est plutôt bien. Et à chaque fois, on est plutôt content de pouvoir, je trouve pas le mot, c'est-à-dire sublimer les paroles grâce à la musique, mais suivre l'histoire quoi, des paroles. On est vraiment basé sur son chant en fait, on essaie vraiment d'accentuer les paroles qui nous semblent importantes et voilà, le fait qu'il chante en français, c'est pas plus mal qu'on le comprenne. Et que ça fasse pas deux entités différentes, que ce soit vraiment quelque chose d'uni, quoi, que les paroles aillent avec la musique et voilà, c'est aussi un morceau, enfin pour moi, je pense que David est d'accord. Et le morceau qu'on vient d'écouter, je pense que c'est un des meilleurs exemples parce que c'est un morceau où, je pense que Pete me contredira pas, le texte est un peu un texte fleuve, on n'avait pas de refrain et du coup on a fait quelque chose qui... progressif et qui sur monte introspection, ouais, sur introspection qu'on a écouté juste avant et en fait il y a des morceaux qui se prêtent plus à des refrains et d'autres qui se prêtent plus à d'autres choses, on voit en fonction des textes en fait. Ok, donc vous nous avez apporté avec vous un petit Noir Désir, premier EP d'ailleurs, où veux-tu que je regarde. Ouais, c'est un morceau qu'on affectionne bien tous les deux avec le chanteur. Et ça nous parle, le texte nous parlait beaucoup. C'est parti. Je reste répandu. Les cœurs extraits. Ça va dans le studio ? On a eu un petit débat sur le. Ouais, mais j'imagine. En voyant vos têtes, j'ai imaginé les paroles. On n'en dira pas plus. Je suis capable de deviner. On n'en dira pas plus. Ok. Bon. Faut écouter la musique et l'apprécier. Oui. Ou pas d'ailleurs. Mais... On ira au cinéma demain voir J'accuse, par exemple, voilà, c'est ça ? Oui. C'est exactement ce dont on a parlé. Eh oui. Et on n'a pas dit comment vous étiez rencontrés il y a 10 ans, c'est ça ? Vous étiez des potes. Est-ce que vous êtes des potes Le tout début du groupe, vous étiez. Bah nous, dans le groupe, on est les deux qui se connaissent depuis le plus longtemps. Dans le groupe, on se connaît depuis le collège, tous les deux. Vous êtes stéphanois Non, de la plaine, du forêt, de base. Mickey 3D. Hashtag laigneux, hashtag noir étable. Ah, voilà. C'est pas tout à fait. Les petits villages de chez nous. Les petits patelins. D'accord, mais je connais dans l'étable. Je connais même le petit lac l'été. Eh oui, le plan d'eau. Ouais. Voilà, le plan d'eau. Il n'y a que quand t'es pas de nord étable que t'as envie d'y aller. Ouais. Oui, mais c'est. Oh, je suis pas mort, hein. Non, mais t'as vu ta tête. Oh, toi, tu vas rentrer à pied. Ah mince. Enfin, non, Cécile va te ramener. Cécile me ramènera. Ouais, elle te ramènera. Oui, donc vous êtes rencontrés au bahut, quoi. Ouais, ça, c'est. Vous avez fait de la musique au bahut ou... Eh ben ouais, c'est ouais. Ça. On et... avait déjà monté un projet, je crois, mais de reprise. Même pas, non, c'était Les Olibrius. Ah bon. Mais j'avais fait ça pendant, je sais plus, la durée de la troisième, et puis après on s'est perdu de vue. Et après on s'est recontacté. Voilà, il y en a, ouais. On s'est retrouvé, on a fait voilà, un premier EP, Crash Test, puis tout doit disparaître. Qu'on peut écouter Eh non, Crash Test, il était retiré à la vente. Puis... Il était retiré à la vente. Il n'y a que les premiers, les premiers fans des premières heures qui l'ont écouté. Il reste que des débris, de toute façon, voilà. Ça ne ferait pas du bien aux oreilles. Voilà, il y a début à tout. Et après, comment on s'est rencontrés au début, on était en power trio, et petit à petit, l'équipe s'est étoffée. On a changé souvent de bassiste, on a changé de guitariste, recruté un percussionniste. Et là, voilà, on a enfin trouvé notre formation. C'est au complet ? Ouais, c'est ça. Ah bah 5, ça commence à faire, là. C'est 5. Eh oui, 5, je suis. Hein. Ouais, oui. Tu sais compter, toi, t'as un vaccin. Je sais compter. Mais c'est surtout pour les cachets à la fin des concerts, quoi. Vaut mieux être 2. Ou seul, c'est encore mieux. Mais bon. Ah, je crois que c'est à moi de parler, parce que ça fait au moins 3 sessions que j'essaye de passer un groupe originaire de Pau, et j'ai vraiment pas de chance. Oh putain, elle est nulle ! Oh là là ! Je crois que Michel... Déjà, je lis P.G. Harvey, déjà, quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Tu connais pas, déjà, tu connais pas. Je ne supporte pas cette merde. Ah. Mais écoute, un groupe français, leur dernier album, donc Wooden Pearls. C'est parti, peut-être que tu aimeras. Il faut de tout pour faire un monde. Prime time. If you trust me, then you'll be fine. Soon he will steal and be getting fat. It's no big deal, just said the last one. Soon he will kill and keep smiling. You'll fit for your kids, but he'll keep cheering. Soon he will smile. Soon he will steal. Soon he will. Wooden Spurl sur Radio Duo dans l'émission Radio Gaga. Dans la musique, ça passe. Mais la voix est abominable. Ouais. On est d'accord. C'est un style. Mais c'est bien. Prochaine fois, on mettra les Stones. Je suis d'accord avec toi. J'aime le Stones. Ah voilà. Ouais, tu vois, on n'a pas les mêmes goûts. En fait, je suis seul contre deux. Mais c'est pour ça qu'on se marre. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec un très bon choix de Cécile. Parce que je fais toujours des très bons choix. Vous le saurez. Un petit genou qui vient de sortir, qui s'appelle Jack White. Connais pas. Ah ouais. Okay. Ah ouais. Je connais Jack Black, mais pas Jack White. Eh ben, écoute. Eh ben, il faut découvrir. Il y a Frank Black aussi. Oui. On va tous les faire. Il y a Barry White aussi. Non. ouais. Michel Blanc. Putain. Ah oui. Non, la peau. En fait, ce que je vais faire, c'est que dès qu'elle essaie de parler, on lui sort une bonne vanne. C'est le grand, un grand jeu. Une bonne vanne. Si elle était bonne, je rirais. Tu as 30 secondes. Tu rigoles jamais. Je suis d'accord avec elle. Oui, parce qu'elles sont pas bonnes. Ah. Non, on est d'accord. Peut mieux faire. Ah. Ouais, on est pas humoristes. Eh bien, c'était les Olibrius. Merci. Au revoir. L'émission est terminée. Prochaine invitée, Kev Adams. Par Cécile. Bon, allez, vas-y. Non. Vas-y. Jack White, respect. Donc, Jack White, son dernier album. Qui est très bien, qui est un peu surprenant par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire d'habitude, mais quand même qui est très bon. Si tu l'as pas écouté, si vous l'avez pas écouté, faut y aller. Et donc, on reconnaît sa patte quand même. Oui, bien sûr. Oui, bah oui. Et puis comme tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est garanti 100%. Ouais. Hein. Donc le titre c'est Over and Over and Over. We'll be right back. passion. Only doing cause you're asking. And I'm a glutton for the tasking. And the lovers are drowning. And they're never gonna find them. Cause the eagle's gonna blind them. Oh, God, and go fly. Changez rien, ne touchez à rien. Vous êtes sur Radio Dio 89.5 et radiodio.org avec l'émission Radio Gaga, Cécile, Harry, Pat et les Olébrius. Ah, il est bon, mon petit jeune ? Ouais, très bon, très bon. Il peut marcher. Et revenons à nos invités et leur actualité. Et quelle actualité, messieurs ? On vous envie ! Eh oui ! Racontez-nous ! Alors, c'est bon. La semaine prochaine ? Ouais, oui, c'est vendredi prochain, ouais. Exactement. Alors il quoi, reste encore où, des quand, places. Comment Et avec qui? Alors, où déjà, c'est au Chambon-Fougerolles, à la Forge. Super, elle est bien cette salle. Ouais. J'ai vu Trust là-bas. Moi j'ai vu Zenzile, mais c'est pas du rock. C'est grave. Moi j'ai vu le gala de danse de ma fille, super. Allez, on continue. On enchaîne, allez. Hein. Donc du coup, c'est le 29 novembre et on fait la première partie des Shérifs et de No One Is Innocent. Alors, voilà. Ouais, ça c'est donc, beau. Moi ouais, je veux savoir comment vous avez fait. Vous avez couché On a, oui, beaucoup, voilà, beaucoup, mais. Beaucoup, essentiellement. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors comment on fait pour faire une première partie comme ça? C'est beaucoup de courage, oreille, beaucoup de. Vous avez envoyé des démos, vous avez fait quoi enfin, Vous avez passé un casting en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a loué le clapier. On a loué pour. Voilà, le 15 décembre 2018, on a loué le clapier pour faire notre soirée avec les copains, quoi. En sortie d'album. Une release party, quoi. Sortie de clip. Ah. Ouais, je ne sais plus pourquoi on faisait cette soirée. Bref, on a fait la bringue, on a loué la salle et voilà. Et ensuite, on a vu avec le gérant de la salle, voilà, on a discuté. On lui a dit qu'on avait vu No One au clapier un peu avant. Il y donc, avait Nijuko en première partie. Voilà, c'est ça. Et nous, on était dans la fosse. Si on peut faire pareil. Bon, on a dû pogoter ensemble, sûrement. Ouais, peut-être. Je pogote pas. Moi, j'ai peur de faire mal aux autres après. Et quand elle va au concert, elle met une perruque blonde. Donc tu peux ah oui, donc je pouvais pas la. D'accord. Et des lunettes de soleil. Et des talons. Et voilà, et enfin bref, et du coup, ben voilà, et j'ai vu que voilà, il y avait No One qui passait à la Forge, et du coup, j'ai demandé à voilà, à Johan s'il cherchait une première partie, et voilà, j'ai essayé de lui vendre un peu le projet, et puis il a dit, ben voilà, ok. Johan, c'est qui Johan, c'est le mec du clapier, d'accord, voilà, c'est qui doit connaître les No One The Innocent. Oui, non, bah, il connaît pas mal de monde, mais c'est l'asso. C'est Primum qui avait fait venir voilà, No One à l'époque. Je... Via Bertrand, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Qui est le programmateur, voilà, qui avait fait venir No One, et. Et voilà, du coup, super refait. Nous, on a pris ça, on était... Refait. C'est ça. Et on a demandé, on l'a eu. Ouais, c'est beau. Mais le lendemain, il devait y avoir... Ludwig, ouais. Avec Nijuko en première partie. Et voilà. Et oui, bah du coup, ouais, bah annulé. Ça a été annulé, ouais. Ouais, les boules, parce que moi, j'avais pris mon double passe. Et ouais. Il a fallu en prendre 4. Pourquoi c'est annulé parce qu'ils n'avaient pas vendu assez de billets pré-vente. Ouais, c'est ce qu'ils avaient indiqué dans leur poste. C'est marrant. Et ouais, ils sont vachement sur les préventes. Moi, je pense que c'est un peu une bêtise parce qu'il y a peut-être des gens qui viendraient le soir même. C'est un peu la tendance, même au fil. Moi, je voulais aller voir un concert. Il était annulé pour les mêmes raisons. Dub Trio. Ah ouais. Du metal dub. Ouais. Si les préventes sont pas bonnes, ils annulent. Voilà, c'est ouais, ça. C'est ça c'est... Mais Ludwig, c'est quand même étonnant. C'est quand même un groupe. Ouais, mais la veille, il y a No One. Enfin, tu vois. Ouais, en même temps, c'était 25 euros les deux soirées. C'était pas si cher deux soirs. 25 balles. Mais les gens sortent. Ils sont durs à sortir. Ou est-ce que les gens prennent au dernier moment? C'est du rock aussi, les gens. C'est pas la mode. C'est vrai qu'on fait pas de la musique à la mode non plus. Donc c'est vous qui êtes chargé de mettre le feu la semaine prochaine ouais. Avant les No One et du c'est coup ça. Dans votre besace vous nous avez apporté un No One. Et ouais. Gasoline. Et bien ouais. C'est parti alors. We'll be right back. sont les brutes, c'est plus le rare. C'est l'essence même du pouvoir. Il faut nourrir la limousine, peu importe la famille. Peu importe la famine. Gasoline, belle incendiaire. C'est la jungle en plein désert. C'est la jungle en plein désert. King de la gasoline, rêve de grandeur dans la rétine. Derrière les dunes, vois-tu le monde? Vois-tu le monde comme il décline? Encore une journée ordinaire, parfum de poudre en plein désert. Sous les yeux de nos frères. Gasoline, belle incendiaire. C'est la jungle en plein désert. Gasoline, belle incendiaire. C'est la jungle en plein désert. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir les Olibrius en première partie de No One Is Innocent. Donc c'est la première fois que j'entends un morceau. C'est vrai ? Moi je les ai vus en concert il y a... L'année dernière. Enfin, c'est non, ouais, c'était pour l'année dernière. 1978, c'est ça ? T'étais pas né, quoi. 1978, eh oui. C'était là, il y a deux ans. Ouais, c'est Cécile, elle est née à quand ? En 60... 80... 2000... Ouais, je sais plus. 2005, je crois. On va les laisser parler. Moi, je vais parler avec vous. je suis allée jeter un œil sur votre... vous avez un site internet. Oui. Ça, c'est beau. Il n'est pas à jour, d'ailleurs, je crois pas. Ouais, enfin, j'ai vu... Normalement, un site internet, c'est plus à jour. Sinon, t'es plus à la mode. Si. Ouais, c'est ça, les gens s'en foutent, de toute façon. Bah non, parce que j'y suis allée. Oui, sauf les chroniqueurs de radio, bah non, pardon. Mais parce que ça m'intéresse. C'est pour vous qu'on le fait, d'ailleurs. Et non, il y a un teaser. Il y a un teaser... vous avez fait un petit teaser qui présente un peu votre... L'univers. Votre groupe, ouais. Et c'était marrant parce que, alors vous allez expliquer un peu le truc, parce que c'était un beauf avec un maillot des Verts, c'est très cliché, hein, qui regarde celui-là, qui regarde un match des Verts, et puis là... C'était MC Pampy ? Non, mais ça aurait pu. J'ai pensé à ça, je me dis. Et du coup, la télé, elle bug et... Et du coup, ouais, il y a une grosse voix derrière. Voilà, et moi, j'aimerais bien que vous racontiez un peu... L'histoire de cette vidéo c'est quel titre ? L'idée... Non, c'est OK. Ouais, non, d'où vient l'idée qui... L'idée, elle vient de Romain et moi, donc le bassiste. Mais ça date de quand, c'était ça, au début, c'était début 2017. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux, mais c'est... Vous en êtes déjà pas fiers. Non, mais c'était en fait, on est parti dans un gros délire vidéo. C'était c'est la première vidéo qu'on a sortie en fait là-dedans, en mode petit court métrage, un peu à la con, histoire de rigoler. Ah, mais c'est marrant, hein, cela dit. Ouais, ça fait rire. Bon, bah, moi, c'est déjà ça. Le petit clin d'œil était sympa. Donc... Et voilà quoi, en fait, c'était juste pour s'amuser. Voilà, avec la vidéo et faire un petit message. En fait, le bassiste actuel est dans la vidéo et du coup, on a... C'est pour ça que vous avez des super clips. En fait, à chaque fois que quelqu'un du groupe a une particularité, on y va dedans. Même si ça nous mène, on ne sait pas où ça nous mène, mais on y va. Et lui, il était chaud pour faire des vidéos et on a fait des trucs des trucs hyper complexes, voilà, comme les clips, des trucs hyper simplistes comme ça. Enfin, on est parti dans tous les sens, un peu partout dans la vidéo. Non, mais parce qu'il y a plusieurs. Vous avez plusieurs. Alors, vous avez des lives, mais vous avez des clips aussi. Il y a des. Alors, je sais pas qui intervient. C'est la famille, c'est les amis. C'est le copain dans sur la figuration. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est principalement les copains. Ouais. Puis on avait fait un appel aussi sur Facebook, du coup il y a même des gens que si ça leur plaisait, si ça les bottait de venir, il y en a qui sont venus toute une journée au musée de la mine. Ouais, il y en a qui font ça aussi, ouais. Il y a d'autres groupes qui j'ai vu passer ça, ouais. Et il y a souvent une intro dans vos clips, ouais. Mm-hmm. Non ? Je délire pas. Une histoire, non, c'est une petite histoire. Donc ouais, il y a une volonté de raconter une histoire, quoi. Ouais. Ouais, et qui scénarise tout ça en fait? Bah pareil avec Romain, voilà, bah après on en parle un peu tous ensemble des fois, et encore que, ouais, là c'est vrai que toutes ces vidéos c'était bien la période, voilà, avec Romain, vraiment, il y a beaucoup la patte à Romain aussi sur ces vidéos, ouais. Et après, voilà, moi j'avais envie aussi que sur les paroles, il y ait une histoire un peu parallèle qui se raconte, qu'on n'ait pas que les paroles et que ça puisse amener sur autre chose. Ouais, du coup, non mais c'est bien. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Mais les Olébrieux, c'est plus complexe. Il y a de la poésie, de la sensibilité, mais il y a aussi, là, vous nous avez amené dans vos influences, Cypress Hill, ouais, avec Tom Morello, je crois. Ouais, ouais. Donc, bah, on parlait de Rage Against à l'instant sur la. Ouais. Pendant le morceau. Up, le morceau que tu voulais. Je sais plus le titre, comment on le prononce. Je parle très mal anglais. Tu parles de quoi, du titre que tu as choisi? Avec ouais. Morello. C'est Shut Them Down. Shut Them Down. Voilà, c'est ça, Shut Them Down. Et non, mais en fait, j'aime bien ce morceau. Et avec le percussionniste, on est beaucoup branché rap et beaucoup Cypress Hill. Et celui-là, en fait, c'est un morceau où il y a Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine. Et en plus, Cypress Hill, maintenant, il joue avec batteur, basse, guitare en live et percussionniste. Et du coup, là, c'est un morceau qui nous correspond bien parce qu'il est à la fois bien puissant, bien rock, avec des percus derrière, une grosse batterie. Voilà, avec le percussionniste, on aime bien ça parce que c'est des percus par-dessus un rock qui tâche. Et il y a des percus, mais c'est pas forcément festif, quoi. Eh bien, on va écouter alors. Across the U.S., as the country's economy continues to plunge. Now some are so outraged, they are doing something about it. And Congress is proposing new taxes. Symbols remind you of the toll the ongoing wars have taken on our country. Country. excellent mélange. Ouais. Très bon choix. Ah oui. Je valide ton choix. Bon, les percussions sont très sous-mixées, mais elles y sont. Faut... Y on écoute au casque, on les entend. Oui, aussi. C'est de la fusion. Hein. Ouais, mais voilà. C'est... En tout cas, c'est beaucoup d'influences multiples et variées. J'ai mis en petit fond et on enchaînera avec ça. Il y a un groupe qu'on adore ici, Last Train. Donc les Olibrius, vous aimez alors. Bah, en fait, j'ai découvert cette année, par hasard. Comme nous tous, hein, je crois. Pas du tout, non, moi, non, je connais depuis le début. Hein. Mais cet album m'a particulièrement touché. Ouais, moi, c'est le mixage de l'album qui m'a parlé beaucoup. On en parlait tout à l'heure. Ouais, je sais pas si c'est le mixage ou le. Le son de tous les instruments sont géniaux. Les guitares, elles sont hyper chaleureuses. Les batteries, elles sont l'impression d'être dans la pièce avec le batteur. Tout à fait. C'est une pièce. J'ai fait écouter ça au guitariste, il était d'accord. Moi, je suis d'accord, je valide aussi. Eh bien, c'est parti pour un petit Last Train avant de dire au revoir à nos amis les Olibrius avec un de leurs morceaux. I've been busy mending the pieces of my heart. But everyone the party's still dedicated to the idea of some. Les bonnes choses ont une fin, c'est déjà la fin de l'émission. Nous étions avec le groupe Les Olibrius. Un dernier mot dans l'actualité, des choses à annoncer. Rendez-vous samedi là, à l'Engranger à Saint-Sixte pour un concert avec DJ Pudding. Ah, mais voilà, attends, dans la plaine du forêt. Non, là on joue samedi. Ce samedi. Et le ce samedi, d'accord. Ouais. Voilà, le samedi 23 novembre et le vendredi 29 novembre, ben, première partie des Sheriffs et No One. À la Forge au Chambon Feugerolles, voilà, 20h30. arrivé tôt. Et, et voilà, on est refait. 20h même, on va dire 20h. Venez à 20h directement. Voilà, vous aurez le temps de boire une petite bière. Et puis, Pour vous donner envie, je vous propose de nous quitter sur un nouveau morceau, Liberté. Très bien, voilà, un petit texte de Victor Hugo qu'on a mis en musique. Merci. Et puis, merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Et bonne soirée à tous. Salut, bonsoir. Salut, ciao. J'ai découvert la littérature, j'ai commencé à lire et j'ai trouvé ça, la force des mots, c'était vraiment quelque chose de puissant qui pouvait m'emmener quelque part. De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages? Aux sources, à l'aurore, à la nuit et au vent. De quel droit volez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu se perd, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne? Pour être au bagne avec leur nid et leur femelle. Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe au rameau? Qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux? Et si la servitude inutile des bêtes ne se résolve pas en errant sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licous? Oh, de nos actions, qui sait les contre-coups? Quel noir croisement ont, au fond des mystères, tant de choses qu'on fait en riant sur la terre. Quand vous canassez sous un réseau de fer, tous ces buveurs d'azur font pour s'enivrer terre. Tu sais, nageur charmant de la lumière bleue, j'en donnerai Vincent, moi offrant et au chequeux. Croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas l'homme en leur temps séparant? Prenez garde à la sombre équité, prenez garde partout où pleure et crie un captif. Dieu regarde, ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs. Au champ les rossignols, au champ les hirondelles, les âmes expirent tout ce qu'on fait aux ailes. La balance invisible à deux plateaux obscurs, prenez garde aux cachots dont vous ornez. Du treillage au fil d'en renaisse les noirs gris, la volière sinistre et mère des pastilles. La volière sinistre et mère des pastilles. Oh, esprit au doux passant, des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on prend à des oiseaux, le destin juste et dur la reprend à des hommes. Nous avons des tyrans parce que nous en sommes. Tu veux être libre, homme, mais de quel droit ayant chez toi le détenu? Regarde ce témoin effrayant. Regarde-toi, regarde-le quand il en fait.